Bon, ils ont perdu tout sens, ils ont perdu la tête. Ils nagent dans l'infini. Bon, mais nager dans l'infini, il n'y a plus de sens en train. Tout comme le montre très bien Serre, loin d'équilibre dans une configuration. On va le trouver sous la nouvelle forme du point de vue. Astésar, ça traverse toute la philosophie de Leibniz, mais ça traverse également toutes les pensées de Pascal. Et c'est la raison de faire Astésar un long parallèle entre Pascal et Leibniz. Qu'est-ce que ça veut dire? Le centre devient le point. Vous voyez, là, ce que nous cherchons dans ce second moment de notre analyse, c'est une espèce de confirmation générale de ce que nous avons obtenu en tout petit par l'analyse préalable de l'inflexion. À savoir, l'inflexion renvoie un sens de courbure qui se présente comme un point de vue. Comme un point de vue par rapport à un sens. Maintenant, on cherche la formule la plus générale de cette transformation du sens. Et la confirmation la plus générale, on la trouve immédiatement dans un chapitre des mathématiques qui, pour tout le XVIIe siècle, est fondamental et vient encore du géomètre des arcs. Il y aura autant d'importance que ce soit Pascal et ce soit Leibniz. Et ce chapitre des mathématiques, je pense, c'est celui qui est bien connu sous le titre de section cosmologique. Qu'est-ce que c'est ça? Sans doute l'histoire de Leibniz, c'est une bonne histoire. Mais là, pratiquement, je dis des choses trop rudimentaires, ça fait bien pour je dis, c'est très connu, mais les anciens mathématiciens éprouvaient le besoin, ils ne pouvaient pas faire autrement, de passer à une certaine figure géométrique qui a bien un triangle rectangle compris dans un cercle. Ils avaient besoin de ça pour établir. Le thème des techniques, on ne sait pas encore ça. Passons donc à un triangle rectangle. C'était le triangle par l'axe. Comme dit Pascal, il dit que le mérite de ses contemporains et de les avoir, c'est qu'il n'a plus besoin de passer sur le triangle l'axe. Ce serait donc une espèce de considération directe de ce genre. Qu'est-ce que c'est? Ne prenez pas au sérieux les vertus mathématiquement sans jeu, c'est ça.